Lesbienne de fin de semaine. Lesbienne de fin de semaine. Lesbienne de fin de semaine. Lesbienne de fin de semaine. Wow! Wow! La vérité, tu sais, je l'aurais pas vraiment mal pris si t'avais rien voulu rester ami. Quand tu m'as dit que t'étais lesbienne, ça m'a trotté dans ta tête toute la semaine. Je me suis dit que c'était pas ta vraie. J'ai pensé pour un bel effet à cause d'une lesbienne en fin de semaine. Je m'en trouve avec une canne de poids. Je m'en trouve tout.